Le château d'Epstein, chapitre 2. Et maintenant, si nous quittons les bords du Maine et le morne château d'Epstein pour les délicieux environs de Vienne et pour la charmante villa de Winkel, nous trouverons là, courant parmi les fleurs, les cheveux épars et le teint animé, Albine de Schwalbach, délicieuse enfant de 16 ans. Au bout de l'allée dans laquelle elle voltige, le duc son père, moins grave, plus expansif que son vieil ami le comte d'Epstein, est assis sur un banc de pierre, et il regarde sa fille, qui lui fait mille et mille coquetteries en passant et repassant devant lui. Le duc de Schwalbach est un véritable conseiller allemand. « Qu'avez-vous donc depuis ce matin, père ? » demanda la jeune fille en s'arrêtant tout à coup au moment où, passant pour la 20e fois devant le duc, elle venait de surprendre sur ses lèvres un sourire qui l'avait déjà fort intriguée. « Vous me regardez, ce me semble, d'une façon tout à fait mystérieuse et singulière. À quoi songez-vous ? » « À cette grande lettre cachetée de noir qui avait, selon toi, un parfum de Moyen-Âge, qui venait de si loin et que j'ai si longtemps médité. » « Bon, alors je ne vous demande plus votre secret, mon père, car je n'ai bien certainement aucun rapport avec cette respectable missive, » dit la jeune fille en s'apprêtant à reprendre sa course. « Un rapport très direct, au contraire, » reprit le conseiller. « Cette respectable missive ne parle que de mon étourdi. » Albine s'arrêta en ouvrant de grands yeux étonnés. « De moi ? » dit-elle en se rapprochant du vieillard. « De moi ? Oh, montre-la-moi vite alors, mon père. De quoi s'agit-il ? Parlez, mais parlez donc !»« Il s'agit d'une demande en mariage. » « Oh, alors, si ce n'est que cela, » dit la jeune fille en allongeant les lèvres avec un petit air de dédain charmant. « Comment, si ce n'est que cela ? » reprit en souriant le vieillard. « Peste ! Que traiterez-vous donc avec importance si vous parlez du mariage avec cette légèreté ? » ?»« Mais mon père, vous savez bien d'avance que je refuse. Tous ces étourneaux de Vienne, conseillers de cour, conseillers de légation, conseillers intimes, têtes frisées et creuses, ne me plaisent pas le moins du monde et ne me plairont jamais, vous le savez, n'est-ce pas ? Je vous l'ai déjà dit, et je croyais qu'il était convenu, cher petit père, que vous ne m'en parleriez même plus. » « Mais tu oublies, enfant, que la lettre vient de bien loin. » « Ah, c'est vrai. Alors, il faudrait m'éloigner de vous, et c'est encore pis. » « Je ne veux pas vous quitter, je ne veux pas, je ne veux pas !» répéta la jeune fille en se mettant à la poursuite d'un papillon qui bientôt monta en l'air comme une fleur emportée par le vent et disparut. Le duc attendit un instant. Puis, lorsque sa fille fut revenue à portée de sa voix, « Petite hypocrite, dit-il, vous omettez la véritable raison de votre refus. »« La véritable raison de mon refus ? » dit Albine étonnée. « Et quelle est cette raison ? Votre passion profonde, irrésistible. » « Oh, vous allez encore vous moquer de moi, mon père, » reprit Albine en se rapprochant du duc comme pour le désarmer. Cette passion malheureusement sans espérance pour Götz de Berlichingen, pour le chevalier à la main de fer, mort hélas sous l'empereur Maximilien. Mais ressuscité par le poète, mon père, mais vivant et bien vivant dans le drame de Goethe. Eh bien oui, 100 fois oui, en dépit de vos railleries, je l'aime et je l'admire, ce cœur noble et loyal, ce héros si simple et si sublime, qui aime si fort et qui frappe si ferme. Que voulez-vous, c'est un malheur. Eh bien, tout vieux qu'il est, car vous êtes toujours à me dire qu'il est vieux, comme s'il y avait un âge pour de pareils hommes. Eh bien, tout vieux qu'il est, il me dépoétise tous ces petits messieurs de la cour. Oui, Goethe de Berlichingen, Goethe à la main de fer, voilà mon homme. Et jusqu'à présent, convenez-en, mon père, vous ne m'avez présenté que des poupées. « Enfant, enfant, tu n'as pas 16 ans encore, » dit le duc, « et tu veux un époux de 60. »« De 60, de 70, de 80, s'il ressemble à mes rudes, loyaux et braves chevaliers du Rhin, à Goethe à la main de fer, à Franz de Sigingen, et même à Hans de Selbitz. » « Eh bien alors, ma chère Albine, » reprit le duc de l'air le plus grave, « cela tombe à merveille. » Car c'est un homme de cette trempe, un homme taillé sur le patron que tu désires, qui demande ta main. Oh, quelle raillerie, mon père, et comme vous vous moquez de moi ! Non, vraiment, Regarde seulement la signature de la lettre et tu verras. » Et le conseiller tira la lettre de sa poche, la déplia et montra la signature à Albine. « Rodolphe d'Epstein ?» lut la jeune fille. « Eh bien, ma jolie Amazone, voilà qui vous convient, je l'espère, » reprit le duc. « Celui-là s'est battu à la guerre de 7 ans, et tout aussi bien, à ce qu'on m'a dit, que s'il était né dans votre fabuleux 16e siècle, de barbare mémoire. Par exemple, il est un peu vieux, je l'avoue, mais que t'importe, à toi, 60 ans, 70 ans, 80 ans, pourvu qu'il ressemble à tes héros, as-tu dit. Rodolphe d'Epstein a 72 ans, cela fait juste ton compte, et quant au courage, à la loyauté et à la noblesse, j'espère que tu ne les nieras pas. Croyez-vous, mon père, reprit la jeune fille en riant, que je sache assez peu mon Allemagne pour ignorer que le comte Rodolphe d'Epstein a épousé, voilà bientôt 30 ans, la sœur de ma bonne tante, l'abbesse du Tilleul sacré? Alors, puisqu'on ne peut pas vous tromper, savante, c'est donc pour un de ses fils que mon vieux compagnon demande votre main. Celui-là a le double malheur d'avoir 30 ans à peine et peu de cheveux blancs. Mais s'il n'est pas des héros, il est de leur race. Et sois tranquille, ces 30 ans croîtront en nombre, ses cheveux noirs iront blanchissant. Ajoute à cela, folle-tête, esprit romanesque que tu es, un vieux château dans les montagnes du Taunus, à quelques lieues seulement de ton vieux Rhin que tu aimes tant, avec une légende des plus fantastiques. Une châtelaine qui revient parce qu'elle est morte la nuit de Noël, ce qui ne me paraît pas bien conséquent. Mais, comme tu le sais, la poésie et la raison, ces deux filles du ciel, sont comme les songes, qui sortent les uns par la porte de corne et les autres par la porte d'ivoire. Ils viennent du même lieu, mais en se tournant le dos. « Et quelle est cette légende, mon père? Le savez-vous ? » demanda la jeune fille, dont les yeux à ces mots brillèrent de curiosité. « Non, pas assez bien pour t'en instruire. Je l'ai entendu raconter dans le temps à mon vieil ami d'Epstein pendant nos longues soirées de bivac. Au reste, ton fiancé t'apprendra tout cela. Je le préviendrai que c'est un moyen de te faire la cour. « Mon fiancé, dites-vous, mon père? Mais vous approuvez donc cette union ?»« Hélas oui, ma pauvre enfant, j'aurais la cruauté d'ôter cet attrait à vos amours. C'eût été cependant bien beau, n'est-ce pas? Une inclination contrariée, un mariage secret, un pardon posthume. Mais que veux-tu? Le malheur fait qu'âge, naissance, fortune, tout vient s'unir pour me faire souhaiter ce mariage à la vieille affection que, depuis près de 50 ans, j'ai vouée à d'Epstein. La seule chose à laquelle je pourrais trouver à redire, c'est que le jeune comte est veuf et a un fils. Mais mon Albine, qui attend d'avenir, ne craint aucune comparaison avec le passé. Et après tout, d'ailleurs, ma chère enfant, tu pourras juger de ton fiancé toi-même, la lettre de son père ne le précédant que de quelques jours. Et comment se nomme ce fier prétendant à ma main, qui doit effacer mon Goethe en le réalisant ? Demanda Albine. Maximilien, répondit le duc. Maximilien, ce nom promet, pour ses ennemis, non pour moi, car s'il répond à mes rêves, cet homme de fer dans les combats doit être tendre et soumis en amour. C'est le charme promis et réservé aux femmes, en échange de toutes les douleurs qui les attendent, que d'apprivoiser ces lions et de faire rougir avec un regard celui qui fait trembler avec son épée. Étonné, mon père, continua Albine avec une gravité comique, je l'aime mieux jeune, en y réfléchissant. Je me mêlerai à l'aurore de sa gloire. C'est en prononçant mon nom qu'il remportera ses premiers succès, et je serai, comme Élisabeth, le témoin et la récompense de ses prouesses. Cher enfant, dit le duc en secouant la tête, crois-tu que le temps épique des grands coups d'épée puisse revenir? Pourquoi pas? Ah, c'est que l'invention de la poudre à canon a fait quelque tort à la chevalerie. Il n'y a plus de Roland, il n'y a plus de Renaud, il n'y a plus d'Olivier. Tous ces hommes, quelle que soit leur force, sont égaux devant un boulet de canon. Vois plutôt le maréchal de Berwick et le grand Turenne. Mais à défaut de grands pourfendeurs, mon père, restent les grands capitaines. Le génie a remplacé la force, et pour n'avoir pas eu la Durandal de Roland, la balisarde de Renaud et la lance enchantée d'Astolphe, Gustave Adolphe, Wallenstein et Frédéric le Grand n'en ont pas moins leur mérite. Je ne sais pourquoi ni d'où cela me vient, mais moi, j'ai bonne idée du siècle qui approche. C'est bien, dit gaiement le duc. Nous ferons mettre la prédiction dans l'almanach de Gotha. Puis, tirant sa montre, en attendant, allons dîner, ma belle Sibylle, car à mon âge, je suis fâché de vous désenchanter encore sur l'avenir. On ne se nourrit plus de prophéties et de parfums, de poésie et de soleil. Albine prit le bras de son père avec un hochement de tête qui signifiait que le temps n'aurait pas d'âge pour elle, et tous deux rentrèrent au château. Le lendemain de cette conversation, où nous avons essayé de donner une idée de l'imagination originale et prompte, de la rêverie poétique et pure d'Albine, Maximilien d'Epstein arriva à Vienne, précédé et préparé pour ainsi dire par les songes de ce jeune et gracieux esprit. Nous avons fait son portrait. On comprendra donc facilement qu'il plut beaucoup moins au père qu'à la fille. Le père, fin diplomate, habitué à lever le masque pour arriver au visage, lui trouva plus d'ambition que de vrai mérite, plus d'orgueil que d'intelligence, plus de calcul que d'amour. Mais pour Albine, grâce à sa taille puissante, à son front pâle et sombre, il tranchait sur les fades amoureux de Vienne. Elle le vit à travers la poésie qui était en elle. Sa brusquerie lui sembla de la franchise, sa rudesse de la simplicité, sa froideur de la noblesse. « C'est une âme primitive et fière, se disait-elle, et dont le seul défaut est d'être de 300 ans plus jeune encore que celle de tous les beaux de la cour. » Puis elle confia naïvement à Maximilien le roman qu'elle s'était promise à elle-même, et Maximilien eut soin d'y conformer sa conduite, d'affecter le plus profond mépris pour les protocoles et les traités, et de faire sonner héroïquement son épée et ses éperons. Enfin, un jour, Albine, voulant savoir si à son esprit romanesque et poétique répondait l'esprit du jeune comte, le pria de lui narrer la légende du château d'Epstein. Maximilien avait peu étudié cette partie de la rhétorique qu'on appelle le discours, mais il avait la parole rapide, puissante et colorée. En outre, Maximilien voulait plaire. Il raconta donc la légende du château d'Epstein avec une conviction, un sentiment et une verve qui achevèrent de subjuguer la romanesque jeune fille. Voici quelle était la légende du château d'Epstein. Ce château avait été bâti aux temps héroïques de l'Allemagne, c'est-à-dire à l'époque de Karl le Grand, par un comte d'Epstein, aïeul de ceux qui l'habitaient encore. On ne connaissait rien sur les temps primitifs, sinon qu'une prophétie de l'enchanteur Merlin disait que toute comtesse d'Epstein qui mourrait dans son château pendant la nuit de Noël ne mourrait qu'à moitié. Comme tout horoscope, cette prophétie était assez obscure. Aussi fut-on longtemps sans la comprendre lorsqu'enfin mourut la femme d'un empereur d'Allemagne. On ne savait plus le nom de cet empereur, mais l'impératrice s'appelait Ermengarde. Ermengarde avait été élevée avec la fille du seigneur de Windeck, qui était devenue comtesse d'Epstein. Or, en devenant l'une comtesse, l'autre impératrice, les deux jeunes femmes, malgré la différence des rangs, n'avaient rien perdu de l'amitié de leur enfance. Et comme l'impératrice habitait Francfort et la comtesse son château d'Epstein, situé à 3 ou 4 lieues seulement de la ville, les deux anciennes compagnes se voyaient souvent. Le comte Sigismond d'Epstein était d'ailleurs fort bien en cour et l'empereur l'avait particulièrement attaché à l'impératrice. Tout à coup, et dans la nuit du 24 décembre 1342, l'impératrice mourut. Cette mort inattendue causa un grand deuil à la cour. L'empereur surtout adorait l'impératrice et donna toutes les marques du plus profond regret. L'impératrice fut exposée, selon la coutume, sur un lit de parade, et tous les seigneurs et les nobles dames de la cour furent admises à lui baiser la main. L'étiquette voulait que cette cérémonie se pratiquât ainsi. L'impératrice était seule dans la chapelle ardente, couchée sur son lit de parade, revêtue de ses habits impériaux, la couronne sur la tête et le sceptre à la main. Un de ses serviteurs veillait à la porte, relevé toutes les 2 heures par un autre serviteur. Il introduisait dans la chambre mortuaire la personne qui venait rendre hommage à la défunte. Cette personne s'agenouillait, baisait la main de celle qui avait été son impératrice, revenait frapper à la porte qui s'ouvrait et, en s'éloignant, faisait place à un autre visiteur. Les courtisans de la mort n'entraient qu'un à un. C'était au tour du comte Sigismond d'Epstein d'être de garde près de la porte d'Ermengarde. 24 heures s'étaient passées déjà depuis la mort de l'impératrice. On était au dernier jour de Noël. Le comte Sigismond avait commencé sa garde à midi, il était 1h15. Il avait déjà introduit près de l'impératrice morte 8 ou 10 personnes, lorsque, à son grand étonnement, il vit apparaître à la porte la comtesse Léonore d'Epstein, sa femme. Nous disons à son grand étonnement, parce qu'il n'avait pas fait prévenir la comtesse, s'étant réservé, sa faction finie, de monter à cheval et d'aller la prévenir lui-même. Car, sachant la grande amitié que sa femme portait à l'impératrice, il voulait adoucir, autant qu'il était en lui, le coup qui allait la frapper. Sigismond ne s'était pas trompé. Le coup avait dû être terrible, car la comtesse Léonore était d'une pâleur mortelle. Cette pâleur ressortait d'autant mieux qu'elle était vêtue de longs habits de deuil. Son mari s'avança vers elle, et, comme il savait quel pieux devoir l'amener, sans lui demander par qui elle avait appris la fatale nouvelle, il la conduisit, muette et éplorée, à la porte qu'il ouvrit et qu'il referma sur elle. En général, les visites étaient courtes. Le visiteur ou la visiteuse fléchissait le genou, baisait la main de l'impératrice et sortait aussitôt. Mais le comte Sigismond savait qu'il n'en serait pas ainsi de sa femme. Ce n'était pas un devoir de simple étiquette que la comtesse accomplissait. C'était un besoin du cœur qui l'amenait là. Il ne s'étonna donc pas de ce qu'au bout de quelques minutes, elle ne fût pas encore sortie. Mais lorsqu'un quart d'heure se fut écoulé, sans qu'il entendît la comtesse frapper à la porte pour sortir, il commença à s'inquiéter. Il craignit que l'impression n'eût surpassé les forces de Léonore, et, n'osant ouvrir la porte sans appel, ce qui eût été une infraction aux règles de l'étiquette, il se baissa pour regarder au trou de la serrure, tremblant de voir la comtesse évanouie près de son impératrice morte. Mais à son grand étonnement, il n'en était pas ainsi. Après avoir regardé pendant quelques secondes par le trou de la serrure, il se releva la sueur au front et pâle lui-même comme un cadavre. L'altération de ses traits était si visible que quelques courtisans qui étaient là, attendant leur tour, lui demandèrent ce qu'il avait. « Rien, répondit le comte Sigismond en passant la main sur son front. Rien, absolument rien. » Les courtisans se remirent à causer de leurs affaires et le comte Sigismond, croyant avoir mal vu, appliqua une seconde fois son œil au trou de la serrure. Cette fois, le comte Sigismond fut convaincu qu'il ne s'était pas trompé, et voici ce qu'il vit. Il vit l'impératrice morte, toujours sa couronne en tête et son sceptre à la main, assise sur son lit et causant avec sa femme, la comtesse Léonore. L'événement était trop étrange pour que le comte en crût ses propres yeux. Il pensa qu'il rêvait, qu'il était sous l'empire de quelque songe, et il se redressa encore plus pâle que la première fois. Presque au même instant, la comtesse Léonore frappa, en signe que sa visite à l'impératrice était achevée. Le comte d'Epstein ouvrit la porte, lança un coup d'œil rapide dans l'intérieur de la chapelle. L'impératrice était de nouveau couchée, immobile, sur son lit mortuaire. Le comte donna le bras à sa femme et, en la reconduisant, il lui adressa 2 ou 3 questions auxquelles elle ne répondit point. Son devoir le rappelait pour 10 minutes encore à la porte de l'impératrice. Il quitta donc la comtesse dans l'antichambre, pensant que son silence venait de son affliction, ou plutôt ne se rendant compte de rien, tant ses idées étaient bouleversées. Les courtisans continuaient d'entrer les uns après les autres. Durant chaque visite, le comte d'Epstein regarda par le trou de la serrure. Mais toujours l'impératrice demeura immobile. 2 heures sonnèrent. Le grand écuyer, qui devait le remplacer dans ses fonctions d'introducteur, entra. Le comte prit à peine le temps de le saluer, il lui transmit la consigne, et, s'élançant hors de la chambre, il courut à l'appartement de l'empereur, qu'il trouva dans un état voisin du désespoir. Majesté sacrée, s'écria-t-il, ne pleurez plus ainsi, mais envoyez au plus tôt votre médecin près de l'impératrice. L'impératrice n'est pas morte. Que dites-vous, Sigismond? S'écria l'empereur. Je dis que tout à l'heure, j'ai vu de mes deux yeux, j'ai vu, sire, la très noble impératrice Ermengarde assise sur son lit funèbre et causant avec la comtesse d'Epstein. Quelle comtesse d'Epstein? Demanda l'empereur. La comtesse Léonore d'Epstein, ma femme. Mon pauvre ami, reprit l'empereur en secouant la tête, la douleur vous a fait perdre l'esprit. Comment cela, sire? La comtesse d'Epstein, que Dieu vous donne la force de supporter ce malheur. Eh bien, la comtesse d'Epstein? Demanda avec anxiété Sigismond. La comtesse d'Epstein est morte, ce matin? Le comte Sigismond jeta un cri. Il courut à sa maison, sauta sur un cheval, traversa les rues de Francfort comme un insensé. Une demi-heure après, il entrait au château d'Epstein. « La comtesse Léonore » s'écria-t-il. « La comtesse Léonore !» Mais ceux auxquels il s'adressait détournaient la tête et ne répondaient que par des larmes. Il courut vers l'escalier en criant « La comtesse Léonore ! La comtesse Léonore !» Sur son chemin, il rencontrait des serviteurs, mais personne ne répondait à ses cris. Il se précipita dans la chambre de sa femme. Elle était couchée sur son lit, vêtue de noir, pâle comme il l'avait vue trois quarts d'heure auparavant. Le chapelain psalmodiait des prières au pied de son lit. La comtesse était morte depuis le matin. Le messager, n'ayant pas trouvé le comte Sigismond chez lui, avait porté la triste nouvelle à l'empereur. Le comte s'informa si, depuis l'heure de minuit que la comtesse était morte, on lui avait vu faire quelque mouvement. « Aucun, répondit-on. Il demanda au prêtre qui priait près du lit s'il s'était éloigné de ce lit. « Pas une seconde, dit le prêtre. » Alors, le comte se souvint qu'on était juste au jour de Noël et qu'une vieille prophétie de Merlin disait que les comtesses d'Epstein qui mourraient pendant la nuit de Noël ne mourraient qu'à moitié. Léonore était la première comtesse d'Epstein qui mourut pendant une nuit de Noël. Sigismond s'était trompé. Ce n'était pas Ermengarde qui était vivante, c'était Léonore qui était trépassée. La comtesse morte était venue baiser la main de son impératrice morte. Et les deux fantômes avaient causé 10 minutes ensemble. Le comte Sigismond pensa devenir fou. On assurait que la comtesse, à l'âme de laquelle avait été accordé le privilège de se mettre en relation avec les vivants, avait, pendant la maladie que fit le comte à la suite de cet événement, visité plusieurs fois son époux. Un an après, Sigismond entrait dans un monastère, laissant à son fils aîné son rang, son titre et sa fortune, auxquels il renonçait pour se consacrer à Dieu. Ces apparitions avaient eu lieu, disait-on, dans la chambre du château qu'on appelait la chambre rouge, et qui, par une porte s'ouvrant dans la muraille et donnant sur un escalier secret, avait une communication avec les tombeaux des comtes d'Epstein. On ajoutait que pendant 3 générations, la comtesse, dans les grandes circonstances, était apparue aux aînés de la famille, mais enfin qu'à la 4e génération, les apparitions avaient cessé. Depuis ce temps, on n'avait pas revu la comtesse Léonore. Mais la tradition s'était perpétuée dans le château d'Epstein et l'aîné de la famille avait conservé l'habitude de coucher dans la chambre rouge. Du reste, aucune autre comtesse d'Epstein, depuis cette époque, n'était morte pendant une nuit de Noël. On comprend l'influence qu'eut sur Albine un pareil récit. Son âme, ardente à toute poésie, dévora cette fantastique légende parole par parole et en songeant qu'elle allait s'appeler la comtesse d'Epstein, en songeant qu'elle allait habiter le vieux château contemporain de Charlemagne, elle se crut presque revenue en réalité à ce Moyen-Âge, son âge de prédilection. Cependant, Maximilien n'eût pu soutenir longtemps le rôle qu'il jouait aux yeux prévenus, mais clairvoyants d'Albine. Par bonheur pour lui, une grave affaire le rappela, au bout de 15 jours, près de son père. Il partit, emportant l'aveu de la jeune fille et le consentement du duc, qui, toutefois, remettait à un an la célébration du mariage. Maximilien, dans cet intervalle, vint plusieurs fois à Vienne, mais disparut toujours à temps. D'abord, ce fut sa mère qui mourut, puis le comte qui alla la rejoindre, mais avant leur mort, les nobles vieillards avaient écrit à la fiancée de leur fils des lettres belles comme leur cœur, qui non seulement entretinrent, mais encore augmentèrent les illusions de la pauvre enthousiaste. À travers le prestige de l'éloignement, Albine, fidèle au cher fantôme que son âme divine avait seule créé, trouvait son Maximilien grandiose. Elle avait hâte de le consoler de toutes les douleurs qui l'accablaient, d'aller peupler sa triste solitude et d'animer, reine et fée, de sa présence le vieux château d'Epstein. Puis, souvent, elle pensait à la légende de la comtesse Léonore, et elle se surprenait à demander à Dieu de mourir pendant une nuit de Noël, afin que, jouissant de l'antique privilège accordé aux comtesses d'Epstein qui mouraient pendant cette nuit, elle pût, après sa mort, sortir du tombeau pour revenir visiter son époux. Enfin, vers la fin de l'année 1791, le mariage tant souhaité eut lieu à Vienne. L'empereur signa au contrat et les deux nouveaux époux partirent pour le château d'Epstein. La première chose que demanda Albine en y arrivant fut d'être conduite dans la chambre rouge. C'était, du reste, celle qu'habitait Maximilien depuis la mort de son père. On connaît cette chambre dont nous avons fait la description. Elle était à cette époque ce qu'elle est encore aujourd'hui. 15 jours après le départ d'Albine, le duc de Schwalbach, emporté par une attaque d'apoplexie, mourut subitement, comme si la protection du père fût devenue inutile à sa fille. Ce fut la première grande douleur de la vie d'Albine, qui devait être une vie de douleur. De Conrad et de Noémie, on n'entendait plus parler, et le nouveau comte d'Epstein n'en parlait jamais.